Il a été l'un des plus grands espions du XXe siècle, m'a dit M. X la semaine passée. Un nommé Wolfgang Lotz. C'est lui qui aurait permis aux Israéliens d'identifier, de localiser et de châtier les savants nazis qui travaillaient en Égypte à la construction de fusées. Et mon interlocuteur se propose de raconter l'histoire assez étonnante de cet homme. Mais avant d'écouter la conversation que j'ai enregistrée cette semaine avec M. X, un bref rappel. Tout de suite. Après la Seconde Guerre mondiale, de nombreux élateurs du Troisième Reich trouvent refuge dans les pays arabes, des pays où la propagande hitlérienne avait été particulièrement efficace avant et pendant la guerre. Et ce choix n'est pas innocent dans la mesure où les dirigeants de ces pays arabes vont bientôt se dresser contre le tout jeune État hébreu. Parmi ces exilés allemands regroupés essentiellement en Égypte, on trouve une importante brochette de scientifiques, des hommes qui ont participé aux travaux de von Braun, l'homme qui a construit les V1 et V2, ces fusées qui ont causé de terribles dégâts en Angleterre. Désœuvrés après la guerre, car les Alliés ont interdit à la nouvelle Allemagne de se doter de fusées, ces savants acceptent d'aller en Égypte où le colonel Nasser entend équiper son pays d'armes modernes. Et en 1962, le dirigeant égyptien fait procéder au tir de 4 fusées, des armes d'une portée telle qu'elles peuvent atteindre le territoire israélien même si leur système de guidage n'est pas encore au point. À Tel Aviv, c'est la panique. D'autant plus qu'un de ses spécialistes fait défection et vient raconter au service secret israélien que les Égyptiens envisagent de monter sur ces fusées des ogives contenant des déchets radioactifs. Inquiétude et embarras des dirigeants israéliens. Embarras, car au moment où leurs relations avec l'Allemagne sont au beau fixe, toute campagne anti-allemande serait malvenue. Mais c'est la sécurité d'Israël qui est en jeu. Et le chef du Mossad prend sur lui de lancer l'opération Damoclès. Une série d'attaques ciblées, assassinats, envoi de lettres piégées, menaces et programmées contre ces savants allemands qui travaillent pour Nasser dans le plus grand secret. Et selon M. X, si ces attaques ont été aussi efficaces, c'est grâce à ce Wolfgang Lotz. Une observation d'abord. Dans l'Égypte de Nasser, tout ce qui touchait l'existence des savants allemands était tabou. Mais on n'en parlait pas, quoi. Non. Et je vous le rappelle, ces scientifiques, dont beaucoup avaient été des serviteurs zélés du régime hitlérien, vivaient et travaillaient au nord du Caire dans un complexe ultra-secret uniquement connu sous son numéro de code, 333. Vous voulez dire qu'il était pratiquement impossible d'y pénétrer? En effet, ou alors il fallait être très fort. Ouais, et ça a été le cas alors de ce Lotz. Oui, oui, oui. Mmh. Bon, qui était cet homme? Ben, pourquoi en parler au passé? Cet espion vit peut-être toujours, ou je ne sais pas. Mais il m'étonnerait beaucoup que le Mossad l'ait abandonné, compte tenu des services qu'il a rendus dans son pays. Ouais. Alors, c'est donc un Israélien, hein? Oui. Mais il est né en Allemagne, au début des années 20. Sa mère est une actrice juive et son père un pur arien, comme on disait à l'époque, et professeur de théâtre. Mmh. Un détail très important, Lotz n'a pas été circoncis. Mais pourquoi c'est important? Parce que ça lui sauvera la vie. Mais enfin, n'allons pas trop vite. Les époux divorcent quelques années après la naissance de leur fils. Et lors de l'avènement de Hitler en 1933, la mère de Wolfgang prend conscience du danger qui menace les Juifs et elle émigre en Palestine. Ouais, elle était très lucide, hein. Mmh. Et elle part avec son fils. Bien sûr. Mmh. Et le jeune Wolfgang, qui fréquente une école sioniste, change de nom. Mmh. Il s'appelle désormais Zev Gour Aryeh. Et Zev, c'est la traduction en hébreu de Wolf, le loup. Ah, ouais. Très tôt, le jeune homme s'engage dans la Haganah, c'est-à-dire la branche armée clandestine du mouvement sioniste. Et c'est tout de suite un militant, là. Oui, mmh. Et en dehors de cette action souterraine, il a une passion, l'équitation. C'est aussi un bon vivant et un séducteur. Avant même d'avoir 20 ans, il s'est déjà marié 2 fois. Enfin, revenons à son pédigré. Après ses études secondaires, il rejoint la division juive qui combat aux côtés des Britanniques contre les puissances de l'Axe, et on le retrouve en Égypte, où il est chargé d'interroger les prisonniers de guerre allemands de l'Afrika Korps. Mmh. L'Égypte, qui est alors, il faut le rappeler, hein, un protectorat britannique. Oui, où Zev Gour Aryeh rend de grands services. À cause de sa connaissance de l'allemand, sa langue maternelle? Le jeune homme est très doué pour les langues. Il parle à la perfection l'allemand, l'anglais, l'hébreu et l'arabe. Ah, oui. Autant de talents qui lui seront bien utiles plus tard. Au physique, c'est un grand costaud, blond, aux yeux bleus. Un type courageux qui n'hésite jamais à prendre des risques. Dans les années qui suivent la guerre, il fait du trafic d'armes au profit de la Haganah, puis combat en tant que lieutenant lors de la première guerre israélo-arabe en 1948. Et il veut faire carrière dans l'armée? Oui, et en 1956, lors de l'affaire de Suez, il commande une brigade d'infanterie, une unité d'élite. Et peu après, il est approché par la MAN. La MAN, il faut le rappeler, c'est le service de renseignement de l'armée israélienne. Et c'est à ce moment-là que sa vie va basculer. Mais pourquoi la MAN a-t-il besoin de lui? À cause de son physique et de ses connaissances linguistiques. Je vous explique. Les services israéliens ont appris que Nasser, humilié par la défaite de la campagne de Suez, entend se lancer dans la fabrication d'armes modernes. Ah oui, avec l'aide des fameux spécialistes allemands. Oui, enfin, n'y revenons pas. Nous en avons longuement parlé la semaine passée. Les Israéliens veulent donc en savoir plus sur les projets du colonel Nasser. D'où l'idée d'envoyer Lotz en Égypte. Lotz, qui, en raison de son physique aryen, peut très bien se faire passer pour un ancien officier de la Wehrmacht ou même de la SS. Un parmi d'autres, car ils sont nombreux, les anciens militaires nazis qui ont trouvé refuge en Égypte. Mais il faut d'abord lui construire une légende, hein, comme on dit dans les services secrets. Exactement. Aussi subit-il d'abord un long entraînement. Alors qu'on lui apprend les techniques de l'espionnage... Oui, on lui invente cette légende dont vous parliez. Lotz, qui reprend son premier nom, est censé être un ancien officier de l'Afrika Korps, l'armée de Rommel qui a combattu en Afrique du Nord et en Libye. Il a eu des sympathies pour le parti nazi, mais n'a jamais été encarté. Et pourquoi viendrait-il en Égypte? Riche éleveur de chevaux, il compte monter un centre équestre dans ce pays et il espère bien trouver des clients dans la nombreuse colonie allemande établie en Égypte. Oui, ça se tient en effet. Hein. Mais ce n'est pas suffisant. Il est ensuite envoyé en Allemagne afin de parfaire sa couverture. Et là, il est pris en charge par le service de renseignement allemand, le BND, du célèbre et mystérieux général Gehlen. Gehlen qui, tout en collaborant avec les Égyptiens, s'est peu à peu rapproché des Israéliens. Mais ce BND... Et pourtant, un service où, m'avez-vous dit, hein, se trouvait nombre d'anciens nazis. Exactement. Et alors, c'est pas risqué pour Lotz? Rappelez-vous, je vous ai également dit qu'il existait aussi au sein du BND des agents qui étaient très favorables au Mossad. Alors, ce sont eux qui vont cornaquer Lotz? Naturellement, et dans le plus grand secret. Mais en quoi le BND peut-il être utile à l'Israélien? Grâce aux Allemands, Lotz peut avoir accès aux archives de l'armée. Il peut donc compléter sa légende, car il a un gros trou à boucher. Il y a un quart de siècle qu'il a quitté l'Allemagne. Ce n'est pas rien. Ensuite, toujours grâce au service de Gehlen, il approche des anciens de l'Afrika Korps. Il accumule les informations, les détails, enfin bref, il se rend crédible. Enfin, et c'est essentiel, le BND efface son vrai passé aux archives de sa ville natale. Dire que Lotz n'est plus le fils d'une juive. Voilà, mais on garde la trace de sa naissance en Allemagne. Et tout ça dure longtemps? Oui, plusieurs mois. C'est seulement au début de l'année 1961 qu'il débarque en Égypte avec, dans son portefeuille, un bon gros paquet de marques. Oui, parce qu'il faut monter son centre équestre. Et ça prouve que les services israéliens attachent une grande importance à cette opération, car d'habitude, ils sont plutôt chiches. Comment se passe l'installation de Lotz en Égypte? Très bien. Et ça tient aussi à sa personnalité. Quoi, le côté bon vivant? Certainement. Ouais. L'Israélien traite généreusement ses futurs clients et il suscite aussitôt la sympathie. Non seulement dans la colonie allemande du Caire, mais aussi dans les cercles de pouvoir égyptiens. On verra chez lui un Sadat, par exemple, ou encore des cadres de Moukarabak. Les services secrets égyptiens. Ouais. C'est ça. Et son centre équestre? Ah ben, il va bientôt fonctionner, et ses chefs avaient vu juste. Les anciens officiers de l'Afrika Korps, férus d'équitation, s'y précipitent. Ainsi que la fine fleur de la société Kairot. Ah, c'est un endroit chic. Oui, un endroit où il faut être vu. On y boit beaucoup, on y fume même du hashish. Ah. Ça permet des conversations plus détendues. Et puis des confidences. Naturellement. Et les savants allemands, alors? Lotz procède prudemment. Je vous rappelle que ces scientifiques vivent pratiquement confinés dans le périmètre de l'usine 333. Aussi l'agent israélien compte-t-il sur ses nouveaux amis des services égyptiens pour s'introduire un jour dans cette base secrète. Mais enfin, il ne faut pas précipiter les choses. Une trop grande curiosité risquerait de paraître suspecte. Bien sûr, toutefois, assez rapidement, Lotz peut confirmer à ses chefs qu'effectivement l'Égypte s'est lancée dans un programme de fabrication d'armes nouvelles. Et comment communique-t-il avec Israël? Il a emmené avec lui un poste-émetteur miniaturisé, caché dans le talon d'une de ses bottes de cheval. Et plus tard, il en dissimulera un autre dans un pèse-personne installé dans sa salle de bain. Mais il ne l'utilise qu'avec parcimonie. Et de peur d'être repéré. Bien sûr. Vous savez bien, depuis le temps que nous parlons d'affaires d'espionnage, que le point faible d'un agent clandestin demeure la communication avec sa centrale. Alors, pour faire un compte-rendu exhaustif, Lotz préfère effectuer un bref voyage en Europe. Où il va rencontrer son agent traitant, oui, c'est ça? Mais à cette occasion, il fera également une curieuse et très séduisante connaissance. Dans un livre intitulé « Tous les espions sont des princes », deux auteurs israéliens, Dan Raviv et Yossi Melman, parlent du recrutement de Wolfgang Lotz par l'AMAN, le service de renseignement de Tzahal. Je les cite. « Les officiers des renseignements militaires étaient impressionnés par l'apparence si peu israélienne de Gour Arié. J'étais blond, massif et bon buveur, l'incarnation même d'un ancien officier allemand. Les recruteurs d'Aman lui demandèrent s'il pouvait cacher sa judaïté et convaincre une partie du monde qu'il était un ancien nazi. Au cours d'une formation qui se révéla intensive et épuisante, Lotz apprit à oublier son identité véritable et retourna en Allemagne pour affiner sa couverture. Il serait désormais un homme d'affaires allemand ayant servi dans l'armée de Hitler en Afrique du Nord, puis qui avait séjourné 11 ans en Australie en élevant des chevaux de course. Aman l'implanta en Égypte au mois de décembre 1960 en lui fournissant un capital suffisant, une somme énorme selon les critères israéliens, pour monter un ranch. Les Israéliens estimaient improbable que le Moukarabat El Amma, les renseignements égyptiens, fouillent profondément le passé de ce riche Allemand. Le risque existait, racontera Lotz, mais il fut l'un des rares agents secrets à avoir travaillé sous son vrai nom, avec ses vrais papiers. Vous avez parlé d'une curieuse rencontre, oui. Séduisante aussi. Oui. Lotz se rend d'abord à Berlin, puis il part pour Paris où il a rendez-vous avec son agent traitant. Et là, dans le train, il fait la connaissance d'une superbe créature, une certaine Waltraud Martha Neumann, une réfugiée de l'Allemagne de l'Est qui vit aux États-Unis. Mais vous avez déjà dit que Lotz était un séducteur. Hein? Incontestablement, il aimait les jeunes et jolies femmes, et celle-là, elle lui plaît beaucoup. Ah ouais, il fait sa conquête? Assez facilement, oui, il décide de l'épouser. Tout de suite, là, ils vont vraiment se marier? Tout à fait. Deux semaines seulement après leur rencontre dans le train Berlin-Paris, et disons-le tout de suite, ça permet de se poser quelques questions. D'abord, Lotz s'est déjà marié. Ou en Israël? Oui, mais en acceptant sa mission au Caire, et il a dû quitter provisoirement son épouse. Et pourquoi ne serait-elle pas venue avec lui, au fond? Parce que son service le lui a interdit. C'est le règlement. Ouais. Alors le voilà donc bigame. Oui. Autre question. Lotz a-t-il obtenu l'autorisation de son service avant de se marier à nouveau? Et la réponse? Il est évident qu'il a demandé son avis à son officier traitant lorsqu'il l'a rencontré à Paris. Donc ça veut dire qu'on l'a autorisé à se marier? Oui, dans l'intérêt du service. Ça veut dire quoi, ça? Waltraud n'était pas n'importe qui. Elle appartenait, elle aussi, à la communauté du renseignement, comme l'on dit. Une espionne israélienne? Non, une espionne allemande. Un agent du BND de Galen. Et quand il se marie, Lotz le sait? J'en suis à peu près sûr, oui. Ouais. Et vous m'avez parlé de mariage dans l'intérêt du service. En effet, ouais. Bien que je n'en ai pas la preuve. Je suis sûr que ce mariage a été arrangé entre les Allemands et les Israéliens. Les Israéliens qui n'avaient alors rien à refuser aux Allemands. Je vous ai parlé la semaine dernière du contrat secret passé entre Ben Gurion et le chancelier Adenauer. Avec tous ces équipements militaires donnés à Israël année après année. Oui. Et parmi ces matériels, il y a des chars Patton qui seront bien utiles au général Moshe Dayan lors de la guerre des six jours et sa chevauchée à travers le Sinaï. Je veux bien, mais quel est l'intérêt du BND dans cette affaire? Le service secret allemand possède bien une résidence au Caire. Mais en plaçant un agent auprès de Lotz, le BND estime, non sans raison, qu'il obtiendra assez aisément des informations de première main sur ces savants allemands qui travaillent pour Nasser et nuisent incontestablement à l'image de la nouvelle Allemagne. Vous êtes convaincu maintenant? Oui, enfin, pas tout à fait, enfin, mais peu importe, continuez. Les tourtereaux partent pour l'Égypte. Attendez, ils s'aiment vraiment ou ils font semblant? Écoutez, j'étais pas sous le lit. Hein. Enfin, ils donnent vraiment l'impression d'être mari et femme. Et quand toute cette affaire sera terminée, Wolfgang Lotz choisira de vivre avec sa Waltraud et divorcera de son épouse israélienne, à qui on fera comprendre qu'elle doit se sacrifier. Ouais, admettons. Au fait, elle était au courant de la bigamie de son mari? Oui. Laman l'avait informé et lui avait demandé une première fois de se sacrifier. Toujours dans l'intérêt du service. Bien sûr. En tout cas, Waltraud, agent ou pas du BND, est une compagne zélée. D'abord, elle renforce la position sociale de son époux. Cette très jolie personne donne de magnifiques réceptions pour les Allemands du Caire et les notabilités égyptiennes. Le champagne y coule à flot. Et Waltraud ne manque pas d'afficher un antisémitisme qui est très apprécié là-bas, autant par les Allemands que par les dirigeants égyptiens. Mmh. Et le travail d'espionnage, hein? Il progresse à grands pas. Lotz, qui est maintenant persona grata dans les hautes sphères égyptiennes, peut circuler maintenant dans tout le pays sans difficulté. Mmh. Même dans la base secrète 333? Oui, aussi invraisemblable que cela paraisse. Et il s'est même débrouillé pour en faire la visite avec comme guide le commandant de la base en personne. Présenté comme un grand ami de l'Égypte, il a donc pu prendre directement contact avec les scientifiques allemands qui y travaillent. Et il pourra de ce fait fournir à son service de précieux renseignements sur l'avancement de leurs travaux. Mais bientôt, sa mission va changer de nature. Pour quelle raison? Le spectaculaire tir de 4 fusées en juillet 1962 n'étonne qu'à moitié les Israéliens qui, grâce à Lotz, sont relativement bien informés. Autrement plus grave sont les révélations d'un homme dont je vous ai parlé la semaine dernière. Ce savant autrichien, là. Oui, Jochlik, qui a d'abord travaillé pour les Égyptiens, puis a fait l'effection. Et c'est lui qui va apprendre au Mossad que Nasser envisage de bourrer les ogives de ses fusées avec des éléments radioactifs. Et même des germes bactériologiques. Yisser Harel, le chef du Mossad, contre l'avis du Premier ministre David Ben-Gourion, qui veut préserver ses bonnes relations avec l'Allemagne, décide alors de frapper fort. Oui, c'est ce qu'on va appeler l'opération Damoclès. C'est ça. Et vous le savez, de nombreux savants allemands vont être visés. L'un d'eux, résident en Bavière, est enlevé et sans doute tué. Un autre échappe miraculeusement à la mort. Et de nombreux autres, ceux qui sont installés en Égypte, vont recevoir des lettres ou des colis piégés. Et c'est là que Wolfgang Lotz intervient. Comment ? Ben, il faut d'abord savoir qu'à l'occasion de la préparation de l'opération Damoclès, Yisser Harel, qui règne en maître sur deux des principaux services secrets israéliens, le Mossad et le Shin Bet, exige que Lotz passe sous son contrôle. Bon, et plus sous celui de l'armée. Oui. Et il obtient satisfaction. Oui, oui. Mère Amit, le patron de la manne, n'est pas en situation de force et doit s'incliner. Mais il prendra plus tard sa revanche sur son vieil adversaire. Oui, ça c'est juste. Donc Lotz, nouvel agent du Mossad, est sollicité par Harel, qui a besoin de la liste des savants allemands et de leur adresse. Et Lotz va s'exécuter, naturellement. C'est une mission facile pour lui qui est maintenant à tu et à toi avec tout ce beau monde. Les adresses, j'imagine que c'est pour les envois de lettres piégées. Bien sûr. Des lettres qui sont souvent postées en Allemagne. Un colis de livres, je vous le rappelle, tuera 5 personnes à la base 333 et provoquera de gros dégâts. Mais Harel veut aller encore plus loin. Les lettres venant de l'étranger et adressées aux savants sont maintenant systématiquement radiographiées avant d'être ouvertes. Alors Harel demande à Lotz de confectionner lui-même ses lettres et de les poster au Caire. C'est assez risqué, non ? Sans aucun doute. Mais Lotz accepte pourtant cette nouvelle mission. Et le Mossad lui fait parvenir des explosifs dissimulés dans des savonnettes. Dites-moi... Confectionner des lettres piégées, ça peut être évident. Hein. C'est vrai. Mais au cours de sa longue période d'entraînement en Israël, Lotz a certainement appris cette technique qui a déjà été utilisée par le Mossad et de nombreux services secrets dans le monde. Ouais, et pas seulement par des terroristes. Hein. Wolfgang Lotz, conformément aux instructions qu'il a reçues, envoie donc de nombreuses lettres piégées. Et ses engins sont d'une redoutable efficacité et sèment la panique dans la communauté scientifique allemande en Égypte. Et ça a deux conséquences. Les savants commencent à avoir très peur. Malgré la protection dont ils bénéficient de la part des autorités égyptiennes, ils se sentent très vulnérables. D'autant qu'il n'y a pas que des lettres piégées, il y a aussi des lettres de menaces très précises. C'est-à-dire ? Bah, dans ces lettres anonymes, on donne des détails sur leur travail ou sur leur famille, et on leur conseille explicitement de partir d'Égypte le plus vite possible. Et c'est Lotz encore, hein ? Il est bien placé pour les connaître, non ? Alors, peu à peu, ces hommes commencent à paniquer et à regagner leur patrie. Pour ceux, tout du moins, qui ne sont pas recherchés. La deuxième conséquence, là ? Elle est assez préoccupante pour Lotz, car les services secrets égyptiens, les Mokabarat, savent qu'il existe un espion israélien au Caire. Un homme vraisemblablement infiltré dans la colonie allemande, puisqu'il connaît parfaitement les hommes qui en font partie. La campagne de lettres piégées ou de lettres de menaces orchestrées par Lotz et le Mossad s'avère en effet très efficace. Voici ce que je lis dans le livre de Steve Ethan, L'œil de Tel Aviv. Le docteur Joseph Essig reçoit la missive suivante. « Tu es sur la liste noire. Nous savons que tu es spécialement actif dans la recherche aéronautique. C'est par souci pour ta femme Ruth, ta fille Inge et ton fils Peter que nous te conseillons de quitter l'Égypte et de rentrer en Allemagne. Plus tôt tu rentreras, mieux cela vaudra pour ta famille, signé les baïonnettes. » Le 27 septembre, malgré toutes les précautions prises par les Égyptiens, une lettre pourtant préalablement radiographiée saute à la figure du docteur Kiermaier, autre spécialiste de l'aéronautique. Quelques jours plus tard, une autre lettre, destinée à un troisième savant allemand, saute entre les mains d'un employé au bureau de poste de Mehdi. Ces démonstrations répétées, ces actions venant du Caire même, comme on en fait preuve à chaque fois le cachet de la poste, incitent de nombreux Allemands au départ au grand désarroi des Égyptiens qui sont incapables de les retenir puisqu'ils ne sont plus capables d'assurer leur sécurité. À la fin du mois de septembre, Wolfgang Pils, le meilleur spécialiste des fusées, quitte l'Égypte sans idée de retour, accompagné de la malheureuse Anne-Laure Vinda. Cette dernière, secrétaire du savant, Monsieur X me l'a dit dans la première partie de cet entretien, a été en effet défigurée par une lettre piégée et a perdu la vue. Un dernier détail, Steve Ethan écrit que Wolfgang Lotz était l'un des plus déchaînés contre la campagne de terreur sioniste. Lutz a donc pris le risque d'être identifié en exécutant cette mission que le Mossad lui a confiée. Hein. C'est bien ce que vous vouliez dire. Oui, oui, mais heureusement pour lui, les services égyptiens échouent. Dans le même temps, d'ailleurs, le Mossad lui demande de passer à autre chose. Pourquoi, il n'y a plus de savants allemands en Égypte? Non, la plupart et parmi eux, les meilleurs ont fui. Mmh. Alors, objectivement, l'opération Damoclès a été un succès pour les Israéliens. C'est certain. Et l'on confie une nouvelle mission à l'espion du Caire. Comme une prochaine guerre avec l'Égypte semble quasiment inévitable, on lui demande de s'informer sur l'ordre de bataille de l'armée égyptienne et surtout sur les équipements militaires que Moscou ne cesse d'envoyer. Et encore une fois, Wolfgang Lotz, en raison des excellentes relations qu'il entretient avec le gratin de l'armée, est extrêmement bien placé pour exécuter cette mission. Et puis en outre, vous m'avez dit qu'il pouvait circuler à sa guise dans le pays. Hein. Et sous couvert de tourisme, il peut s'approcher des bases militaires et même, après avoir fait état de ses hautes relations, les visiter. Il envoie donc à Tel Aviv des informations extrêmement fiables. Les Israéliens ont par exemple une vue très complète des installations antiaériennes, batteries ou missiles sol-air fournis par les Soviétiques. C'est très important. Parce que la guerre des six jours commencera justement par une série de raids aériens qui anéantiront l'aviation égyptienne. Oui, et puis les Israéliens disposeront ensuite de la maîtrise du ciel, c'est oui, ça? Oui, puisqu'ils agiront de la même façon en Syrie et en Jordanie dès les premières heures de la guerre. Lotz a donc joué un rôle essentiel. Mais en 1965, vers la fin du mois de février, lui et son épouse sont arrêtés, alors qu'ils revenaient d'une excursion dans la zone du canal de Suez. Une banale excursion? Non, non, le couple d'espions venait de procéder à un repérage d'une batterie antiaérienne. Ils ont été pris sur le fait? Non, je ne pense pas. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Franchement, je ne sais pas exactement. Mais il y a plusieurs possibilités. La première, la plus vraisemblable, c'est que les émissions radio de Lutz l'ont trahi. Et rappelez-vous, c'est exactement à la même époque qu'un autre célèbre espion israélien, Eli Cohen, va être démasqué et bientôt pendu. Ouais, en Syrie, ça. Oui. Ouais. Et sans doute, lui aussi, à cause de ses transmissions radio. C'est exact, oui. En Syrie, comme en Égypte, les services secrets avaient alors reçu une aide de spécialistes soviétiques en radiogonométrie. Or, depuis longtemps déjà, les Égyptiens cherchaient ce mystérieux espion israélien qui était installé sur leur territoire. Ils auraient donc demandé à ces spécialistes de tenter de localiser l'endroit d'où émettait cet agent. Ouais, c'est assez vraisemblable en tout cas. D'autres hypothèses? Une, au moins. L'arrestation de Lotz et de son épouse aurait coïncidé avec la visite en Égypte du numéro 1 est-allemand, Walter Ulbricht. Et à cette occasion, les autorités égyptiennes auraient décidé de placer en résidence provisoire les membres les plus éminents de la colonie allemande. Pour ne pas fâcher Ulbricht. Et lui éviter des rencontres fâcheuses avec d'anciens nazis. Un officier des services de sécurité se serait alors présenté chez Lotz. Et en l'absence du propriétaire des lieux, il aurait pris l'initiative de procéder à un examen de la maison. Et il aurait trouvé le poste émetteur de l'espion et même des explosifs. Ça vous paraît sérieux, ça? Non, pas trop. La troisième hypothèse, c'est celle d'une trahison. À quel niveau, la trahison? Écoutez, je vous ai dit que le Mossad et le BND de Gehlen entretenaient des relations de plus en plus confiantes. Or, les services secrets allemands étaient très infiltrés par leurs homologues de l'Est. Un de ces agents doubles a peut-être eu connaissance de l'existence de Lotz, ou bien encore des rapports que son épouse Waltraud devait envoyer régulièrement à sa centrale, si elle était vraiment, comme je le pense, affiliée au BND. Et Marcus Wolf, le patron des services de l'Allemagne de l'Est, a pu alerter les Mukhabarat égyptiens. C'est en effet aussi assez vraisemblable. Mais au fond, peu importe. L'essentiel, c'est que Lotz a fini par être démasqué. C'est un coup dur pour le Mossad. Est-ce que Lotz est aussitôt confondu? Bien entendu, car il y a des preuves matérielles contre lui, l'émetteur, les explosifs, etc. Mais l'espion joue assez habilement. Expliquez. Il ne peut nier qu'il a effectué un travail d'espionnage au profit des Israéliens. Mais il prétend qu'il a agi par esprit de lucre. Ah, besoin d'argent? Oui, il affirme qu'il avait des difficultés financières dans son cercle équestre et qu'il lui coûtait très cher. Et approché par des agents israéliens, il aurait accepté de leur fournir des renseignements contre le versement d'importantes sommes d'argent. Mais surtout, il s'en tient à sa couverture. C'est-à-dire? Il s'appelle vraiment Lotz et il est réellement éleveur de chevaux. Et aux yeux des Égyptiens, ça tient, ça? Apparemment, oui. Parce qu'il n'est pas circoncis. Ah, et on pense donc qu'il n'est pas juif. Oui. Et c'est grâce à ce petit détail qu'il petit va sauver détail, sa peau. Oui. Il va sauver sa peau, en tous les cas. Toutefois, il n'est pas encore sorti de l'affaire. En Allemagne, où cette histoire fait naturellement grand bruit, on n'a pas oublié la mystérieuse série d'attentats qui a frappé les savants. Des journalistes enquêtent. Et l'un d'eux, plus malin que les autres, un reporter du magazine Stern, je crois, découvre une partie de la vérité sur les véritables origines de Lotz. Ouais, c'est-à-dire sa mère juive, son émigration vers Israël dans les années 30, et sa naturalisation en tant que citoyen israélien. C'est ça, oui. Tout ça, oui, oui. Pour le journaliste, c'est un véritable scoop. Mais heureusement pour Lotz, un journaliste israélien, Uri Dan, très proche du Mossad, est mis au courant. Il se rend aussitôt à Hambourg et rencontre le chef de ce journaliste qui est un ami personnel. Et il met en valeur que si cette information est publiée avant le procès, Lotz sera vraisemblablement condamné à mort et exécuté. Et ce Uri Dan a réussi à convaincre le journaliste? Oui, la publication est retardée. Toutefois, un des avocats allemands représentant les parties civiles... Quel parti civil? La famille d'un des savants qui a péri dans un attentat perpétré par le Mossad. Ah ouais, d'accord. Donc cet avocat a lui aussi percé la véritable identité de Wolfgang Lotz. Et il va se passer quelque chose d'absolument stupéfiant. Le procès de Lotz et de son épouse a déjà commencé lorsqu'on communique au président du tribunal une lettre de cet avocat. Une lettre où il révèle ce qu'il sait sur l'espion israélien? Oui. Le président commence la lecture et soudain il s'interrompt. Demande aux journalistes d'évacuer la salle et ordonne le huis clos. Ouais, comment expliquer tout ça là? Il y a une tentative d'explication qui se tient très bien. En découvrant que Lotz est un Israélien qui a berné pendant des années les plus hauts personnages de son pays, le magistrat peut être estimé que cette information ridiculiserait l'Égypte et ses dirigeants. Oui, une question d'honneur. Oui, et surtout ne pas perdre la face. Un espion allemand travaillant pour Israël, c'était déjà assez ennuyeux, mais un espion israélien infiltré dans les instances dirigeantes des plus importantes, c'était difficile à avaler et surtout impossible à reconnaître publiquement. Vous avez parlé d'une première explication, alors il y en a une deuxième. Certainement. Le président du tribunal savait que des négociations secrètes avaient été engagées entre les Israéliens et les Égyptiens au sujet de Lotz. Le Mossad, qui venait déjà de perdre son agent à Damas, tenait absolument à sauver son espion au Caire. Et à l'occasion de la première visite en France d'un dirigeant égyptien, depuis l'affaire du canal de Suez, des émissaires israéliens et égyptiens se sont discrètement rencontrés à Paris. Ah bon, c'est pour ça que vous êtes au courant alors? Bien évidemment. Et je peux vous dire que le Mossad a proposé des millions de dollars pour éviter que Lotz ne soit mis à mort à l'issue de son procès. Et les Égyptiens ont accepté? Oui. Mais pour respecter les termes de cet accord, il fallait impérativement que la fiction de Lotz, espion allemand travaillant pour Israël, soit maintenue. Car l'opinion arabe n'aurait jamais admis qu'un espion israélien pris sur le fait ne soit pas exécuté. Oui, je comprends. Et que sont devenus alors Lotz et son épouse allemande? Waltraud, elle a été condamnée à 3 ans de prison et lui, Wolfgang, à la réclusion à perpétuité. Mais après la guerre des 6 jours, les deux pays ont procédé à un échange de prisonniers. Israël avait capturé des milliers de soldats égyptiens et au moins 12 généraux. Tel Aviv n'a accepté leur libération qu'en échange de celle des époux Lotz, ce qui montre l'importance que le Mossad attachait à son espion. Mais officiellement en Égypte, il n'a jamais été dit que Lotz était un espion juif. Dans son livre Mossad, 50 ans de guerre secrète, Uri Dan a raconté lui-même son ambassade auprès de son confrère allemand du Stern, Vacek. Voici ce qu'il lui dit. « Né et élevé en Israël, je n'ai pas ressenti dans ma chair les méfaits de l'antisémitisme et de l'Holocauste. Mais je sais que l'État d'Israël a été établi aussi pour que cela ne se reproduise plus. Lorsque des savants allemands se mettent au service de Nasser pour l'aider à produire des missiles sol-sol, des savants qui ont déjà travaillé pour le Troisième Reich, alors, comme tout juif qui vit en Israël, je me sens menacé comme si les Allemands recommençaient à nous détruire. » Vacek a pâli. Sa pâleur s'accentue lorsque je m'adresse encore à lui. « Voudrais-tu que la mort d'un juif de plus, celle de Wolfgang Lotz au Caire, dépende de ta conscience d'être humain, d'allemand et de celle de ton journal? 6 millions de juifs au débit d'Hitler, un juif au débit du Stern. » J'entends le tintement de la cuillère d'argent qui tombe des mains d'Egon Vacek et heurte la soucoupe de la tasse de thé. Il est furieux. « Toi aussi, tu joues sur l'Holocauste. Écoute-moi bien. Je n'étais qu'un adolescent à l'époque. Je ne me sens aucune relation avec ce qu'a fait Hitler, mais ton argument est valable. Je n'aimerais pas qu'un homme perde la vie à cause d'un article publié dans mon journal. Je verrai ce qu'on peut faire. » À samedi prochain, et je vous rappelle que sur notre site franceinter.com, vous pouvez réécouter cette émission.